sur sa route, se prétendant à la liberté. Il regarde l'horizon, sait que là-bas se trouve son passé, son âme y est restée. De toute façon, ils auront bon le retenir, rien ne pourra changer ses idées. Le fait est que l'esprit ne peut s'effacer, seules les pensées, vous le savez, ils le savent, ils le savent, c'est soudé. Et rien ne pourra l'arrêter, pas même les dangers imaginés contre lui. Il le veut, il risque sa vie pour ça, il s'en fout. De jour comme de nuit, il est à la merci des rêves, il s'enfuit, il va vers d'autres vies. Le jour comme de nuit, il est à la merci des rêves, il s'enfuit, il va vers d'autres vies. De jour comme de nuit, de jour comme de nuit, il part vers ses rêves. Ça déclenche et le tour est joué. La course folle est engagée. Les minutes, les heures sont comptées. Y'a pas de seconde sans penser. L'évasion suit son rythme effréné. Recherche les chemins perdus de l'imagination. Reprendre son esprit en possession. Vivre un instant en communion avec l'espace, l'infini, la création. Admettre que le monde et ses mélanges permettent l'évolution. Ces différents tons font la différence entre un monde sans nuance, sans saveur et fadasse. De jour comme de nuit, il est à la merci des rêves, il s'enfuit, il va vers d'autres vies. Le jour comme de nuit, il est à la merci des rêves, il s'enfuit, il va vers d'autres vies. De jour comme de nuit, de jour comme de nuit, il part vers ses rêves, il s'enfuit. De jour.